por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Ama por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités vivantes sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités vivantes sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramer la canson de la vie. C'est le accent de Tourniqueville. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. C'est moi, Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas être un guerrero en un an, ni en deux, avec le livre, avec le cuchillo. Hola, egunones, bonjour, buenos días. Y bienvenidos, bienvenidas, Angitori, bienvenue à Oulala. Oulala, tout en vinil, todo en vinilo. Y esta semana, pues, escucharemos a Negres Verte, las Negratas Verdes, podríamos decir. Leave your fat old mama home, she never will say yes. If mama don't know now, she can guess. Y eso, estáis escuchando, sintonizando o podcastando Irora Irratia 107.5 FM, en irorairatia.org, en archive.org. Se puede descargar todo lo que se emite en esta emisora libre. Pause to greet. White birds fly around her. Little fish come to her feet. In her heart is love, but I'm the only. Y pues, como empieza a ser de costumbre en el programa Tout en Vinyl, vamos a empezar antes de Negres Verte con un 45 de Rita Mitsuko, un grupo de los 80, un dúo de autores, compositores, intérpretes tipo pop rock francés. Empezaron pues en las ocupas de París, en Belleville o en la fábrica de Palikao, un lugar donde han empezado muchos grupos. Así que pasaban muchos, tipo Berruy Noir, tipo Ludwig, tipo Negres Verte, y seguramente La Mano Negra, imagino que habrá pasado por ahí en sus principios. Es todo la misma época, todas las mismas bandas, todos colegas. Y pues en estos días un poco curiosos donde se muere bastante gente que dan de pensar. Pues esta semana sí fue el aniversario de la muerte del guitarrista de este grupo de Rita Mitsuko, Frédéric Chinchin, que hace 13 años que se murió. Y pues vamos a cambiar de vinilo y poner a Rita Mitsuko para empezar este Ulala, Le Petit Train de Rita Mitsuko. Okay. Rita Mitsuko, o Rita Mitsuko, de su nombre de cantante Catherine Ringer, que sigue cantando. Pues les negres vertes, las negritas, las negratas verdes, ¿no? Apareció en un peso sus historias en 87 y ya formado por un montón de músicos venidos en buena parte del rock punk ahí, ¿no? De 89 fue el final de Berruguier Noir y gente de Berruguier Noir, uno que hacía los coros en Berruguier Noir, o en Lucrat Milk, otro grupo de este mismo momento, de los 80s. El no, amigo de toda la banda de Mano Negra también. Se puso al micrófono y empezaron a formar con otros músicos de otros muchos grupos de la escena rock, así. De la escena parisina, sobre todo, ¿no? Y pues empezaron a querer seguir con este tipo de música parisina. Acordeón, guinguette, como se puede llamar. La típica que huele a los 50, a los años 50, que se escuchaba en las terrazas de los restaurantes. Y pues eso, mezclándolo con músicas más mediterráneas, flamenco, guitarras a ritmo español, así, sudamericanos. Y ahí empezaron y fue todo una novedad, ¿no? Y en 99, o en 89, perdón, 1989, pues sacan el primer álbum llamado Mla. Expresión árabe que significa todo va bien. Y pues en Francia y en Inglaterra vendieron como medio millón de copias de este disco. Y pues en este veranito que sacaron el disco de 89, se puede destacar el tema muy conocido de Voilà l'été, aquí viene el verano. Y Zobila Musha, Zobila Mosca. Claro, el cantante era todo un personaje. Pero vamos a ir con Voilà l'été para empezar y darnos un poquito de calor. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Sont belles et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais y a déjà plus d'argent. Le se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit quoi t'es qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. C'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le maire, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout est gris. Toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rougir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Kiki, eso curiosamente muy muy castellano, ¿no? Que en francés el, si no sabéis, el gallo hace cocorico. Pues seguimos en Urala con Negres Verte, Les Negres Verte, ¿no? Del barrio del 19, ¿no? De París. Por el nombre del grupo, lo eligieron porque empezaron a tocar, claro, un poco como muchos en la calle, en el metro, en los bares cuando les aceptaban al principio. Y en sus noches de fiestas prolongadas. Pues un vigilante de un bar, un segurata, que les echaba del bar ya. Les llamó, ay, ay, afuera todos estos negras verdes, vosotros negratas verdes. Claro, por el pelo que varios tenían verdes. Y también de, pues, muy, muy suciamente dicho, negres, negro, en francés también se puede referir a estar sucio, entonces como un insulto se dice a menudo de, ¿no? Negro a cualquier cualquier persona sucia, ¿no? o que le parece sucia a quien insulta, claro. Y ahí guardaron este nombre provocativo de Negres Vertes. Pues el grupo, que son hasta 9, ¿no? Sacaron este primer disco. Al final sacaron solo 4, en verdad, en toda la carrera que siguen ahora de gira, excepto este último año difícil. Bueno, el álbum la grabado en 88 y sacado en 89. Pues eso, música festiva y textos corrosivos, yo diría, ¿no? Bastante. Mezclando pues eso, lo que hemos dicho de polka vals o rai o flamenco o canciones muy rock también, ¿eh? Y hasta pues en 89 o 8 por ahí, sí, Madonna les pidió participar en la banda original del film, de la película Dick Tracy. Pero vamos a seguir con otro tema, la fin de Haricot, el jugando con las palabras, el final de los de las judías, que es una expresión francesa para decir que es el final, que no queda nada de comer, ¿no? El fin de las judías, pero ellos juegan con la palabra fin del hambre, el hambre de las judías. C'était la fin des haricots. n'avait plus rien à clapper. On sentait faible et constipé. Nous ne sommes pas des assassins. On l'a pris sans le tuer. Affamé même, pas meurtrier. Pas meurtrier, pas meurtrier. Pas meurtrier. Olé. Les négresses vertes. Vamos a seguir directamente con el tema de Zobi. La mouche. Porque es uno de los buenos temas ahí. Para seguir un poco, pues eso, el del segundo disco sobre 91, familia numerosa, familia numerosa, y de ahí en 91 empezaron a dar conciertos, dieron el en Beirut, el primer concierto francés acogido en la capital libanesa desde la guerra de 75. En 93 salió un álbum de remix con buenos nombres, vamos a decir, que ya ellos les interesaban un poco también el electrónico, un poco, ¿no? Y pues ahí en colaboración con Massive Attack, Norman Cook de Fatboy Slim o William Orbit ahí. Y en 93 el cantante El No pues se muere de sobredosis de heroína. Por eso contamos un poco después, ¿no? Y seguimos con Zobi la mosca. Spock, hey, vous me reconnaissez? Ah, c'est moi. Zobi, la mort. Hey, madame, ça t'a l'air. On m'appelle Zobi, ou c'est moi la mouche. Elle est jolie fesse comme toi. vite. Zobi la mouche, zobi la mosca. Y seguimos directamente. C'est pas la mer à boire, no es el mar. Que beber de una expresión francesa no es tan fácil. C'est pas la mer à boire. Pour tous ceux qui aiment pas ça, c'est seulement pas du pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire. Pour tous ceux qui aiment pas ça, c'est seulement pas du pour tous ceux qui n'en ont pas. Enderio, bacaria. Enderio, bacaria. Sur la côte de Troyes, sardines édentées, un pêcheur dans les algues. Voyant la mer si haute, le pauvre type s'est noyé. Créateur, je vous blâme, l'homme est sans nageoire, la nature l'a atrophié. C'est pas sur macadam. C'est une jolie histoire, mais Jésus a coulé. C'est pas la mer à boire, pour tout ce qui est pas ça. C'est seulement pas du pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire. En mourant, avalé par les flots, n'avait pas des lampes noyées. Après 20 heures de drague, les deux pieds dans une botte, le pêcheur est repêché. Une anguille qui zigzag, qui touche pas, il mijote. C'est le fruit de la marée. C'est pas la mer à boire. Pour tous ceux qui aiment pas ça, c'est seulement pas tu. Pour tous ceux qui n'en ont pas. Enderio, Macaria. Enderio, Macaria. Et je pense à ces femmes qui, toutes vêtues de noir, se nourrissent de crustacés. Non pour hommes que des âmes, dont le corps en mémoire est par les crabes digéré. La mer offre son néant à tous les paquebots qui n'ont pas appris à flotter. Quand le soleil tombe dedans, oh mon Dieu que c'est beau. Oh maître, on le revoit, le soleil sait nager. C'est pas la mer à boire. Pour tout ce qui est pas ça, c'est seulement pas du pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire. Pour tout ce qui est pas ça, c'est seulement pas du pour tous ceux qui n'en ont pas. Hey! c'est pas la mer à boire. No es el mar a beber, ¿no? Es difícil como expresión, por eso no es tan fácil y dice así, de, c'est pas la mer à boire. Es solo mala suerte por la gente que no tiene suerte. Así, viviendo la vida como es. Él venía de un suburbio de Francia donde, como decía, muchísimos de sus amigos se han suicidado o se han muerto del SIDA o de sobredosis. Entonces él veía la vida de otra forma, de otra manera. Y pues eso, se murió en 93, en 29 años de sobredosis. Y pues 3 horas después de haber participado en una grabación de un programa que se llama Taratata en Francia, que es típico, donde hay muchos grupos bastante alternativos, así, es un programa tele, pero con una calidad de musical muy bien, muy, muy bueno. Y pues se murió tres horas después. Y en 2004 su colega Manu Chao le dedicó una canción de El No Hemor, El No Ha Muerto. Y así, El No es su nombre, claro. En verlan al revés, ¿no? En francés, como se usa mucho en argot francés, El No era Noel de Navidad, ¿no? Vamos con el tema Il. Traducido, El. Il va sa vache qui pisse, on n'a pas déconné les vieux, il est là sous la pluie, il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé, c'est son chien qui le guide. Il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures, qu'on prend l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier, qui devait l'augmenter de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste. C'est une vie de chien. Il boit pour oublier. Il dort pour oublier qu'il boit. C'est un triste sort. C'est un bien triste sort. Il était syndiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Une vie nouvelle attend, et c'est plutôt navrant. Sa maison de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste. La vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit. Il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Il, bebe para olvidar que vive, duerme para olvidar que bebe, es un bien triste destino. Y seguimos con L'homme des marais, el hombre de los marais, barrio de París. Pues eso de sigueis en Urala, en Irola Irratia, escuchar en Irola Irratia.org, archive.org, pero sobre todo en el 107.5 de la FM. Esta semana estamos tout en vinil con Les Négresses Vertes. Les robes bleues, les tasses d'ambiance et leurs bigoudés. Pues eso, lo que con, para acabar un poco, pues este, después de la muerte del cantante, claro, difícilmente, unos cuantos años después, han vuelto un poco a escenarios y a grabar un disco también, un poco dedicado al colega. Luego se lanzaron más todavía un poco a cosas electrónicas, con Gotham Project también, ¿no? O Les Diamantaires, otro grupo. Y grabaron entonces el Acoustic Clubbing, un disco muy, muy guapo, me parece, muy, muy clubbing. Ahí lo dice todo, Acoustic Clubbing, son los de sus mejores temas o una selección de sus temas, versión Acoustic Clubbing, muy guapo, muy guapo. Y pues después se separaron en 2001, pero ya en 2015, unos 14, 15 años después, querían reformarse ahí, hacer unos conciertos. Y en 2017 dijeron, ya volvemos para los 30 años del grupo. Y hace varios años que están con el Mla Tour. Ahí yo los vi el año pasado, justo el año anterior, vamos, justo un poco antes de que se acabaran los últimos conciertos del año pasado. De este mismo año, pero la temporada pasada, vamos a decir. Y aunque son mayorcitos, le dan todo, es un show de baile, a bailar y de fiesta, y muy guapo, muy, muy recomendable. Si les podéis ver por ahí este verano que viene, si hay suerte. Nos acabamos el programa Negres Vert con la danse de Negres Vert, el baile de los negratas verdes. Il y en a marre de vos figurines, vos couleurs sont vos problèmes. Quand tu bouges dans l'arène, le racisme d'une rengaine. Vous savons être méprisant, c'est temps d'en être conscient. Abolissons l'enfant nature, il devient trop vite impur. L'âme-là a dit... Mon neveu, le négrin vert, il est là tous les temps. C'est un tas d'acquis. Mais bien oublié de rester final. Elle a la attitude, la todo va bien attitude. Et ahí decía, es un poco, es una canción antirracista. Ahí con sus textos de hasta el culo que los negros sean negros, que los blancos siempre blancos y los amarillos siguen amarillos. Ahí hay que mezclarse, bailar y todos juntos, ¿no? Y liberar Mandela, también dice. Y nos despedimos ya de este Ulala Negres Vert con un tema de Anne Sylvestre, que falleció también con sus 89 años hace unos días, una cantante que escribía muchos cuentos cantados y pues con bastante ética, ¿no? Y cuentos para niños muy educativos. Y pues este del disco de Nouvelle Fabulette de 1976, vamos a más lejos todavía. Y el temita ahí para no irnos alegremente se llama Le Gâteau. No, el gato, le gâteau, el postre. Y además es una receta real que a ver si la sigues, la hacéis y me comentáis. Ahí vamos con Le Gâteau de Anne Sylvestre y para ella, grande mujer. Agur. Je frappe à la cuisine, donnez-moi de la farine, donnez-moi du beurre et de l'eau, donnez-moi bien tout ce qu'il faut, me faut encore un moule et du sucre semoule, de la levure un petit peu, une pomme et un œuf ou deux. J'oubliais la pincée de sel, mais oui, je ferai la vaisselle. Les gâteaux se mangent, mangent, les gâteaux se mangent tôt. Les gâteaux se mangent, mangent, les gâteaux se mangent tôt. Un trou dans la farine, en cheminée d'usine, j'y fais un lac avec de l'eau, coupe le beurre en petits morceaux, je beurre aussi le moule, mon sucre débaroule, comme il faut je casse mes œufs, et je remue tant que je peux, verser sur la pomme en morceaux, mettre dans un four pas trop chaud. Les gâteaux se mangent, mangent, les gâteaux se mangent tôt. Les gâteaux se mangent, mangent, les gâteaux se mangent tôt. Je laisse la cuisine sans un grain de farine, j'essuie toutes les traces d'eau, je range tout bien comme il faut, je fais trop, j'arrête l'eau qui coule, je jette les coquilles d'œufs et je sors une assiette bleue, j'y pose mon gâteau doré, vous pouvez venir l'admirer. Les gâteaux se mangent, mangent, les gâteaux se mangent tôt. Les gâteaux se mangent, mangent, les gâteaux se mangent tôt.